Jules Ferri eskola Baionako osain espiritu auzoan kokatua da, ama eskola eta lehen maila bataz bestetik biziki hurbil. Erakaskuntza publikoan euskarazko klasiko murgiltzea proposatzen duen ama eskola bakarra da. Euskarazko hiru klase dira, hau da 50 ikasle, eskaintza hori nola garatu galdegin diogu Christine Martendola garai Baionako hautetxeari. Il est très clair que si il n'y a pas une volonté de l'éducation nationale pour porter ce projet, ça ne peut pas marcher. Donc moi, ce que je souhaite, c'est développer ce partenariat et l'OPLB doit aussi développer la formation du personnel. Mais ça n'est pas que de notre ressort. Il faut que cette volonté soit là pour tout le monde. Naikeria, beraz, garapenaren gakoa da. Gainera, murgiltzea eraginkorra dela sumatu du Jean-Paul Sotabordek. Euskaraz erakasten du Jules Ferri eskolako lehen mailan. Ikaste guztiak dira 172. Erenak egiten du euskara. Beraz, 50, CPan horra geri da euskara gehiago menperatzen dute. Horai tozen direnak, eh? Beraz, mugitzen sistema hori izigarri onda euskara ikasteko. Hori baginak egin antzinetik. Bada hemen lotura bat euskal kulturari, ikaskuntzari eta jendeek nahi dute beren aurrak euskara ikastetan. Ama eskolan murgiltzeak ez badu mementuko ahakasta handirik Baionan, egiak beste proiektuak baditu euskara bultzatzeko. On a déjà des idées sur des écoles qu'on pourrait développer au moins déjà en bilingue, rive droite, rive gauche. On va ouvrir, nous, des micro-crèches, donc je ne vous cache pas qu'une de mes ambitions serait qu'il y ait une crèche qui soit dédiée soit en immersif, soit en bilingue. Mais... Jartze untan, bost murgiltze proiektu berri martxan dira ipar euskal egi untan, hauen artean, bidarte, biriatu edota, urke. Ketan.